Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, nécro. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, bico. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. J'ai emprunté ces chemins qu'on rend qu'avec des intérêts. Ouais. Quand faut payer, soit enterré ou tant tes poings serrés. Incarcéré au hasard d'une livraison. On dit tiens, où est Tarek et on s'inquiète pour X raison. Notamment qu'il est sur messagerie depuis la matinée. On l'a pas vu de l'après-midi. Qu'avec nous il a pas dîné. Et t'as raison de t'inquiéter. Car c'est le soir paniqué que son frère t'appelle pour dire qu'il s'était pété. Qu'il croit que c'est chaud. Qu'il faut qu'on cotise un baveux. Qu'ils étaient trois. Qu'il a pris sur lui et même fait des aveux. Qu'il faut qu'on vire tout. Et qu'on casse nos puces au cas où plus va. Foncer chez Tarek pour nettoyer la vie d'un voyou. Tiens. Et il est trop dur, alors on rêve de remise de peine et vice de procédure. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, nécro. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, bico. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Personnellement, j'ai jamais fait A. Je retranscris juste la vie de mes potos sur bitume qui brasse les tracks. Les mises à la main sur les mecs qui doivent des foules, écouter les fonds à XR. À gueuler comme des fonds à métier, à part entière. Et y'a pas d'intermittent. Soit tu joues, soit t'es plus les oranges à la mi-temps. Empoché sur les barrettes et puis les pochons. Un kilo dans le coffre aux heures de pointe pendant les bouchons. Soit un fond dans la peau d'un dealer. Pour les bouffons, les faux faut les baffer. C'est pas à nous que tu l'as fait. Les sueurs froides quand elle est ch'ta et puis que ça rose. Les sueurs froides quand faut rembourser 5 barres sur un chrome. Des gros drames. Pour quelques kilogrammes, des mal de crâne pendant que les parents sont dans le taf, prennent la tête et rament. Les potos qui lâchent pas le terrain comme Mouz et Mobson. Les twins, la mafia, les potos sur le bitume qui cogne. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, nécro. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, bico. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Là, assis au bar à jouer au loto, avec des vieux qui ont commencé trop tôt et on en fait leur putain de raid, ma leur putain de taf, le mien à la belle et raid, bâche à la zonze. Alors pourquoi la peur m'arrête pas quand je traverse tout Ripa, le coffre chargé de G. Arrivé chez WAM en partant de vers chez JJ et mon ref la BM qui me dit toujours ces mêmes mots. Attention à toi, prends le périph, vas-y, traîne pas, négro. Tu sais de quoi je parle, car dans ce cas on est trop dans les meugras et les meucros pour plus prendre le métro. Alors on roule, l'œil sans cesse dans le rétro. À chaque lumière qui clignote, on se dit cette fois c'était trop. Les grosses têtes. Et la boulette dans les chaussettes. La messagerie depuis deux jours pour esquiver la grosse tête. Les billets froissés qu'on enroule et qui s'entassent. Stockés dans les caves de la tête. Qui sentent la fouf et le das, le bédo caché dans le réservoir du pioui. Des grosses carottes au savon de Marseille, au kilo de kiwi. T'étais tout seul, prends sur toi et dis oui. T'es mort si tu dis qui, c'est pas la pression des sdéquis. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, nécro. J'suis illicite car j'ai les crocs. Vrai que c'est relou de risquer les crocs pour être gros, mais l'heure est trop grave, alors j'ai l'œil dans le rétro. Cet univers c'est le tien, les meucras et les meucros, bico. J'suis illicite.